Doublette suivante, on continue à dérouler dans l'aspect française une doublette core, si l'on peut dire. Tout d'abord, Cold Dickey, récente formation de hardcore qui nous vient de Paris, 100% le sang des égouts parisiens. Un petit EP 5 titres qui a vu le jour début septembre, une signature au passage sur le label Quality Control, le label qui a notamment démoulé le dernier Pest Control, excellente formation en la matière. Voilà, c'est ultra colère, très typé New York hardcore époque 90s. Et en doublette, Deadfuck, récente formation de grindcore death metal qui nous vient de Lyon. Deuxième effort studio qui vient tout juste de voir le jour. 20 minutes, c'est ultra intense. Une sortie France Black Death Grind. Et le trio va piocher ses inspirations du côté de noms tels que Jigai, Nezum, Dying Fetus, Devourment, ou même les franciliens, les français, pardon, pas franciliens, n'importe quoi, de Benighted. Voilà, chouette petite source d'inspiration. Les titres qu'on s'écoute, Cold Decay, par le groupe Cold Decay, extrait de l'EP Cold Decay. Deadfuck ensuite, le titre Ecchymose, enchaîné à Testimonium, extrait de l'album Valeur Chère. doublette suivante qui nous permet de clôturer Hexagonal avec tout d'abord Kibosh. C'est une formation qui jouera d'ici peu du côté de Tours, une orga Something for the Youth encore, donc voilà. Un EP est sorti au début de l'été, c'est l'occasion de faire la promo. 5 titres, une quinzaine de minutes, hardcore, metalcore, bien patate. Et ensuite Mythos, formation égyptienne qui nous vient d'Alexandrie, active depuis seulement quelques années, ils viennent de sortir là leur nouvel EP. Un premier album avait vu le jour il y a déjà quelques temps, et un autre EP, et voilà, c'est tout ça dans l'ensemble de ces 5 dernières années. Musicalement, on est sur un death très moderne, avec quelques touches deathcore, groove metal, mais on est quand même sur une grosse basse death tradi. Quelques petits arrangements ici et là orientaux, pour donner une petite dimension épique. 6 compos, 30 minutes, et une batterie bien synthétique. C'est vrai que ça gâche un petit peu par rapport à l'ensemble apporté. Kibosh, It All Feels Like Knives, et le titre Your Love, Mythos, Slaying the Insurgent of Phoenicia, le P Battle of Megiddo. Et c'est parti. C'était un grand échange de légende de l'air. Tout de près de parole et tous les deux plus liquides. Tout d'abord, un pion pesant. C'est la lune de son pédial. Tout d'abord, un pion pesant. Mais ça se fait tant de vieux. This is ours with a running on the pillow. To this unbroken with our locks of bones. The land is ours with the kids of your world. The world destroyed with slain the assassin. The land is ours with a running on the pillow. The kids are broken with our locks of bones. It's our world with the kings of your world. The world destroyed with great assassin. Since it is a good chance in relation to the land. To the great power into the debris. To the world. Doublette suivante avec une autre nouveauté, Vengeance, parce que j'imagine que ça se prononce pas Vengeance. Ça nous vient de Pologne, mais quel est-ce donc que ce style pratiqué par Vengeance ? Eh ben, tout simplement du True Heavy Speed, actif depuis 2018. Sans aucune surprise, leur premier album sort chez Dying Victim Productions. Ça dégouline les années 80, ça joue vite, ça joue sale. On est plus proche du Heavy Speed traditionnellement allemand, plutôt que les groupes anglais un peu trop propres, et on est sur des vocaux bien crassous rocailleux, à la sauce Lemmy, Vengeance, ça nous vient de Pologne, à découvrir d'urgence, et encore de la crasse, Rebellion, le groupe de Death qui nous vient du Brésil, le groupe version encore plus underground du Death brésilien que Christian. Ils nous sortent là un nouvel effort studio terriblement efficace. Hein. Bon, on a déjà fait toute la présentation du groupe, son histoire, etc. Un death 0-4 chemin à la sauce Christian, un peu aussi le côté rageur d'un Angel Corpse. Voilà, très très bonne sortie studio, encore une fois signée Rebellion. Vengeance, Attack from the Gutter, extrait d'album Sewer Surge. Rebellion, The Decimating Opposition, extrait d'album Under the Sign of Rebellion. C'est parti! We'll be right back. toujours à l'écoute d'Hellbanger sur les ondes du 93.6, l'émission métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton. On approche tout doucettement de la fin de l'émission de ce soir avec l'avant-dernière doublette, Chever et Bloodhouse. Chever, tout d'abord, la dernière signature de chez Beatdown Hardware, un groupe qui nous vient de Leipzig, formé en 2016. Ils sortent là leur second effort studio. On est sur un Blackening Hardcore Crust, c'est bien colère, et leur approche du métal extrême et du hardcore n'est pas sans rappeler leur compatriote de Anst, un groupe qu'on apprécie particulièrement dans l'émission. Voilà, ça bave la haine et la rage. Non, la rage et la haine. C'est expéditif et voilà, bon, c'est pas non plus tourné à l'ultra court à la sauce grindcore. Mais voilà, on n'a pas trop le temps de s'endormir sur le titre de Chever. Bloodhouse ensuite, ça nous vient, une autre formation de death qui nous vient d'Amérique du Sud, du Chili plus précisément, active depuis bientôt 10 ans, un premier EP avait vu jour en 2017, là le tout premier album, voilà, on est plutôt vraiment sur un death bien old school, hein, qui va chercher dans les années 90 en termes de death tech, même un petit peu à la sauce athéiste et death. C'est agressif et raffiné, sans que pour autant s'en fasse des caisses. Et par contre, la basse, on sait très largement l'apprécier. Chever, on va s'écouter le titre Eternal Night, extrait de l'album Of Gloom. Bloodhouse, le titre Reflection of Darkness, extrait de l'album Lost in an Eternal Silence. Et ma foi, c'est parti. Hop, on arrive tout doucement donc à la fin de l'émission de ce soir, comme je disais tout à l'heure. L'occasion de se faire une petite diff musicale pour illustrer les soirées à venir de deux assos qu'on aime particulièrement dans l'émission. Tout d'abord, Coldron, qui sera présent à Tours sur la date de Something for the Youth, accompagné donc de Kibosh. Coldron, voilà, groupe de metalcore anglais, si je ne m'abuse. Plutôt patate, hein, encore une fois. Là, c'est un extrait d'un EP sorti en 2020. Et le groupe, bien sûr, a prévu un nouvel album début novembre, à voir si on aura l'occasion de le diffuser dans l'émission. Et en doublette avec Coldron Dolch, là c'est une soirée organisée par, ça y est, j'ai perdu leur nom, Catharsis Asso. On n'est pas pour 5 balles au Canadian, là on passe en format temps machine. Rappelez-vous, c'est la date de Dolch, la tournée qui devait passer au Red Club, tournée qui avait été annulée. On les retrouve donc là au temps machine. On va s'écouter un titre qui nous fait un peu voyager dans le temps, parce que là on est plus sur leur époque Blackening Doom ambiante que leur récente vague Cold Wave Goth Rock. Voilà, donc pour Dolch, voilà, petite doublette. Et j'ai très mal lu mes notes, ne quittez pas, on va s'écouter un dernier truc encore après. Now I know that we will always pass. Et parce qu'il nous restait un peu de temps, parce qu'on est généreux et tout à la fois gourmand, et que bah, les groupes le méritent largement, on s'est dit qu'on allait se réécouter un petit titre de The Dying Fetus, un petit titre de Pain of Truth. Parce que je rejoins assez Sylvain, qui nous a résumé le dernier album de The Dying Fetus la semaine dernière. Non mais en fait, on pourrait largement tout diffuser, tellement il est énorme cet album. Et oui, effectivement, Pain of Truth, c'est pareil, dans une veine bien différente cependant. The Dying Fetus, Heroes Grave, avec son album Make Them Beg for Death. Deuxième diffusion pour ce soir, Pain of Truth, Out of Our Hands, extrait d'album No Through Blood. Pareil, deuxième diffusion dans l'émission pour ce soir, parce que quand on aime, on compte pas. Sur ce, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Ciao, ciao.